Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet-du-Pré 1860. Question 3. De la simplicité de Dieu, en quoi elle consiste? Ses conséquences par rapport à la nature divine. Réfutation du panthéisme. 1. Dieu est-il un corps? Dieu est plus élevé que les cieux, disait Job. Plus profond que l'enfer, plus étendu que la terre, plus vaste que la mer. Job 11, 8. Il est dit dans la Genèse, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse 1, 26. Les yeux du Seigneur sont ouverts sur les justes, s'écrie David. Psaume 23. Et Isaïe assure qu'il a vu Dieu sur un trône élevé. Isaïe 6. De ces expressions faut-il induire que Dieu est un corps? Ce serait une erreur grossière de prendre à la lettre ce qui est exprimé figurément. Saint Jean nous le dit positivement, Dieu est esprit. Jean 4, 21. En voici trois preuves. Premièrement, nous avons montré que Dieu est le premier moteur immobile. Or, un corps ne meut point les autres corps sans avoir été mu lui-même, donc Dieu n'est point un corps. Deuxièmement, il faut que le premier être existe en acte, et non en puissance, or Dieu est le premier être, donc il n'a rien en puissance. Mais tous les corps sont en puissance, puisqu'ils sont continus et divisibles, donc Dieu n'est pas un corps. Note. Acte. Puissance et forme sont trois mots qui reviendront souvent et dont il est nécessaire de fixer le sens, sans cela il serait difficile de comprendre ses preuves. L'acte désigne l'existence de l'être, son actualité. La puissance, ou l'être en puissance, c'est ce qui est à l'état de possible, ce qui peut exister, par opposition à ce qui existe en acte, à ce qui existe réellement. L'acte pur désigne l'être qui n'est nullement à l'état de puissance ou de possible, et qui n'a besoin d'aucun autre pour exister. La forme, en général, est ce qui fait qu'un être est ce qu'il est, c'est ce qui constitue sa nature. Sans elle l'être n'existe qu'en puissance. Fin de la note. Troisièmement, Dieu est ce qu'il y a de plus noble parmi les êtres. Or, un corps n'est pas ce qu'il y a de plus élevé dans les êtres. En effet, les corps les plus parfaits sont les corps vivants. Mais ces corps vivent-ils en tant que corps? Non, car, alors, tous les êtres seraient vivants. Les corps vivants vivent donc par un principe plus noble qu'eux, comme notre corps vit par l'âme. Dieu. L'être souverainement parfait, n'est donc pas un corps, il est bien plutôt ce par quoi vivent les corps. Note. Quant aux expressions de l'Écriture qui attribuent à Dieu un corps et des membres, il a été dit ailleurs que le Saint-Esprit a dû présenter les vérités divines sous l'image d'objets sensibles. L'homme est fait à l'image de Dieu, non pas par son corps, mais par la partie de son être qui domine sur les animaux, c'est-à-dire par la raison et par l'intelligence, en d'autres termes, par son âme incorporelle. Fin de la note. 2. Dieu est-il composé de matière et de forme? Non, car il ne peut y avoir de matière en lui. Premièrement, la matière est ce qui est en puissance à l'égard de plusieurs formes, et Dieu, qui est un acte pur, n'a rien en puissance. Deuxièmement, l'être composé de matière et de forme est parfait et bon par sa forme même. Il n'a qu'une bonté participée et empruntée qui lui vient de l'union de sa matière avec sa forme. Or, Dieu, qui est le premier agent, la première cause, est, comme nous le disions tout à l'heure, un acte pur, ne peut rien avoir par participation et par emprunt. Il est bon par essence, et non par communication, Donc il n'est pas composé de matière et de forme. Troisièmement, la matière n'est pas un principe d'action, or, Dieu est la première cause efficiente des êtres, donc encore il n'est pas matière, et, par une dernière conséquence, il n'est pas un composé de matière et de forme. Note. De ces principes il ressort qu'en Dieu il n'y a ni corps, ni âme, et si l'Écriture lui donne une âme, ce n'est que par similitude avec notre nature. Être simple, il ne peut être possédé par la matière, être subsistant par lui-même, il est individualisé par cela seul qu'il ne peut exister dans un autre. Fin de la note. 3. Dieu est-il la même chose que son essence ou sa nature? Le Christ a dit non seulement qu'il était vivant, mais encore qu'il était la vie, comme on le voit dans Saint Jean, « Je suis la voie, la vérité et la vie », Jean 14. De ces paroles on peut conclure que Dieu n'est pas seulement vivant, mais qu'il est sa propre vie à lui-même et son essence. Que, dans les êtres composés de matière et de forme, le sujet diffère de la nature, cela se conçoit, car la nature, qui ne renferme que les propriétés de l'espèce, n'implique pas telle matière plutôt que telle autre. Le mot « humanité », par exemple, implique les qualités nécessaires pour constituer l'homme, mais la chair, les os et tous les accidents qui sont renfermés dans les individus, n'entrent pas dans la définition de notre être en général, par conséquent, un homme a quelque chose que n'a pas l'humanité, et il n'est pas absolument la même chose que sa nature. Pour les êtres qui ne contiennent point de matière, il en est autrement. Comme, en eux, la forme ou la nature est individualisée par elle-même, et que cette forme est un suppôt subsistant, le suppôt ne diffère plus de la nature. Or, nous avons démontré que Dieu n'est pas composé de matière et de forme, donc il est sa nature, son essence, sa divinité et tout ce qu'on peut affirmer de lui. 4. L'essence de Dieu est-elle la même chose que son être? Premièrement, tout ce qui se trouve dans un être en dehors de son essence a été nécessairement produit. Or, en Dieu rien n'a été produit. Donc l'essence n'est pas en lui autre chose que l'être. Deuxièmement, autre considération, ce qui est chaud, sans être le calorique même, est chaud par participation, et, de même, ce qui est l'être, sans être l'être, est être par emprunt. Si donc Dieu n'était pas son être, il serait être, non par essence, mais par participation. Et comment, dans cette hypothèse, serait-il le premier être? À quel autre devrait-il son être? Par quelle cause aurait-il été produit? Disons, en conséquence, que Dieu est son être, et que son essence est véritablement son être. 5. Dieu appartient-il à un genre parmi les êtres? Premièrement, tout genre est antérieur à ce qu'il renferme. Or, qu'y a-t-il qui soit antérieur à Dieu, intellectuellement ou réellement? Rien. Conséquemment, Dieu n'est pas contenu dans un genre, comme espèce. Deuxièmement, puisque l'être de Dieu est son essence, si Dieu était dans un genre, il faudrait qu'il fût dans celui de l'être. Mais l'être ne forme pas un genre par lui-même, car tout genre a des différents sorts de son essence, et où trouver des différents sorts de l'être lui-même? Le non-être n'en saurait constituer aucune. Donc Dieu, qui est l'être même, n'a pas de genre dans lequel il soit contenu, donc encore il n'est d'aucun genre. Principe de tous les êtres, il est, au contraire, l'auteur de tous les genres. Note. Quiconque dit un genre ou une espèce dit manifestement une borne. Fénelon. 6. Y a-t-il en Dieu des accidents? Il résulte manifestement de ce qui précède qu'il n'y a pas d'accidents en Dieu, car un sujet par rapport à ces accidents, qui peuvent lui donner de l'actualité, qu'est-ce autre chose qu'un être en puissance? Or, en Dieu, rien n'est en puissance, donc les accidents ne sont pas possibles en lui. 7. Dieu est-il absolument simple? On démontre de plusieurs manières l'absolue simplicité de Dieu. Premièrement, Dieu n'est pas un corps, il n'est pas un composé de matière et de forme, il est un acte pur, il n'a ni genre, ni différence, ni accident, donc il n'est pas composé, et, par conséquent, il est simple. Deuxièmement, le composé est postérieur à ses éléments. Or, Dieu est l'être premier, donc il est absolument simple. Troisièmement, tout composé a une cause, et Dieu n'a pas de cause, au contraire, il est la première cause de tous les êtres. Quatrièmement, tout composé a quelque chose qui n'est pas son être, or, Dieu ne peut rien contenir d'étranger à sa nature, donc Dieu est absolument simple. 8. Dieu entre-t-il dans la composition des créatures? Il y a eu 3 erreurs sur ce point. Les uns ont avancé que Dieu est l'âme du monde. Les autres, tels qu'Amaury de Chartres et ses disciples, ont prétendu qu'il est le principe formel de tous les êtres. D'autres, parmi lesquels David de Dinan, ont professé qu'il ne diffère pas de la matière première. Ces opinions sont manifestement fausses, car Dieu ne peut entrer d'aucune manière dans la composition des créatures. Premièrement, Dieu est la première cause efficiente. Or, une cause efficiente et son effet ne sont pas une même chose en nombre. Lorsque, par exemple, l'homme engendre un homme, il y a 2 êtres. À plus forte raison, la matière et la cause efficiente de la matière ne sont pas une même chose. Note. La cause efficiente est la cause productrice ou créatrice. Fin de la note. Deuxièmement, Dieu, comme cause efficiente, est agent primordial et par soi. Or, ce qui entre dans la composition d'un être n'est pas agent primordial et par soi. C'est le composé qui jouit seul de ce privilège, ainsi nous voyons que c'est l'homme qui agit par sa main. Dieu ne peut faire partie d'un être composé, puisqu'il agit par lui-même. Note. La cause première, a très bien dit Aristote, gouverne tous les êtres, sans se confondre avec eux. Que la divinité soit l'être des êtres, nous y consentons. Elle est l'être des êtres par la vertu qui les a produits, mais elle n'est pas leur être par son essence même. Le Verbe est l'archétype ou la forme exemplaire des créatures, nous le voulons encore, mais il n'est pas cette autre forme qui fait partie des êtres composés. Dieu ne peut entrer dans la composition des créatures, ni comme leur forme, ni comme leur matière. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.